السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالعلم النافع وبالعمل الصالح، وأن يصلح أحوالنا كلها، وأن يوفقنا إلى كل خير. كما أسأل تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وبعد، ما زلنا في التفقه في مسائل المسح، وبفضل الله سبحانه وتعالى أخذنا مسائل أو جل مسائل المسح على الخفين، ودخلنا في المسح على الجبيرة، ولله الحمد. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et son assistance, nous avons fini la plupart des questions relatives à l'effleurement des chaussons et nous sommes entrés sur l'effleurement de ce qu'on appelle al-jabir. Ma yudhakiruna bima'an al-jabir. Qu'est-ce qui nous rappelle le sens de al-jabir? Fadban. Al-Jabir, enseignement. A'wad, c'est des bouts de bois qu'on mettait à l'endroit où la personne avait une fracture. Na'am. Et de manière plus générale, Al-Jabir, c'est tout ce qui empêche l'eau d'atteindre le membre à laver. Na'am. Tout ce qui empêche l'eau d'atteindre le membre concerné par l'oudo, de manière générale concerné par l'oudo. Ça englobe les plâtres, les pansements et autre chose. Mad dalil ala jawaz al mashi ala al jabira. Quelle est la preuve que nous avons le droit de faire al mashi sur al jabira? قلنا إذا جاز المسح على الخفاف يجوز المسح على الجبيرة لأنها ضرورة، فكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط. Donc les savants disent, Ibn Athaymin nous dit que les savants disent, si l'effleurement des chaussons est permis, alors l'effleurement sur al-jabira l'est à plus forte raison, car c'est un cas de grande nécessité. Car c'est un cas de grande nécessité. Alors que al-mash' ala al-khuffayn, c'est une rukhsa, c'est une facilité, une permission de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'en est-il de la personne qui a dépassé la limite dans al-jabira, au point où il ne peut pas passer l'eau sur un membre concerné par al-wudu? Na'am. Donc il a mis ou s'est fait mettre al-jabir, mais a dépassé la mesure nécessaire. Il a dépassé la mesure nécessaire. Quel est le jugement de son action? Na'am. D'abord, le hukm, c'est que c'est haram. Le fait de dépasser la nécessité, il est tombé dans le péché, car ainsi, il ne peut plus toucher avec l'eau le membre qu'il devait toucher obligatoirement. Na'am. Wad-darura tuqaddar biqadriha. Wad-darura tuqaddar biqadriha. Et le cas de nécessité doit être estimé selon la situation. On ne doit pas dépasser cette nécessité. Donc, dans le cas où la personne a al-jabira et qu'il a dépassé la mesure nécessaire. Qu'est-ce qu'on lui dit? Naam. Ça dépend. Fi tafsil. Naam. Comment? S'il peut enlever la partie qu'il y a en trop sans que ça ne lui cause de tort, alors on lui dit de l'enlever. Naam, alors on lui dit de l'enlever. Par exemple, une personne a un pansement pour la main, mais ça a dépassé le niveau au point où il arrive au coude. Et lui en avait besoin jusque, par exemple, un peu, il y a quelques centimètres au-dessus du poignet. Cette personne, on lui dit, enlève tout ce qui dépasse ce centimètre au-dessus du poignet. Si ça ne te cause pas de tort, il l'enlève et il fait le wudu. Il fera le mess sur la jabira et il lave le reste. Naam. Ensuite, si ça lui nuit, il laisse cela et il fait le mess dessus. Naam. La personne qui est blessée, comment est-ce qu'elle fera sa purification? Premièrement, si sa blessure est ouverte et que ne lui nuit pas le fait de passer l'eau ou de laver cet endroit s'il doit être lavé, à ce moment-là, yajibu alayhi al-ghasl. Dans ce moment, à ce moment-là, il a l'obligation de laver. Le deuxième cas, il a une blessure mais qui est couverte par un pansement ou autre. À ce moment-là, il fera al-mas, il fera l'effleurement dessus. Le troisième cas, sa blessure est découverte. De passer de l'eau, de mettre de l'eau, de laver, cela lui nuirait. Mais il peut effleurer, il peut passer sa main mouillée sans que ça lui nuise, sans que cela lui nuise. Alors on lui dit de faire le mess. Le quatrième cas, il a une blessure. Il ne peut ni laver ses mains, ni l'effleurer. Il peut ni laver ses membres ni l'effleurer car les deux lui nuiraient. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on lui dit de faire? Naam. At-tayammum. Il fait que at-tayammum. Indaman. Naam. Yatawabba. Il fait le wudu. Et l'endroit qu'il ne peut pas ni laver ni essuyer, pour cela, il fera tayammum. D'accord? Pour cela, il fera tayammum. Et le chapitre sur tayammum viendra, inshallah ta'ala, après le chapitre sur al-rusl. Après le chapitre sur al-rusl. On avait cité certaines différences entre al-mas' al-khufayn ou al-mas' al-jabira. Al-mas' al-khufayn, ou plutôt al-mas' al-jabira, concerne tous les membres de l'wudu. N'importe quel membre. Alors qu'elle mess'a al-khufayn, c'est propre aux pieds. Elle mess'a al-jabira n'est pas restreint par un temps. Tant qu'il y a la nécessité, on le fait. Alors qu'elle mess'a al-khufayn, un jour et nuit pour le résident, trois jours et trois nuits pour le voyageur. Elle mess'a al-jabira, ça c'est un des points à retenir et important, c'est qu'on le fait pour elle, pour la personne qui fait la purification mineure, mais aussi la purification majeure, c'est-à-dire même pour le rusl, il y a ce jugement concernant le jabir. Alors que pour al-khufayn, on a vu et revu que c'est pour al-tahara al-sughra. On a cité encore d'autres différences. Le chapitre qui suit, al-mas'u 'ala al-imama. العمامة ما يعمم به الرأس وتكور عليها. العمامة ce qu'on peut appeler le turban. نعم. Et ce n'est pas la manière des hindous. نعم. Ce n'est pas la manière des hindous, mais c'est ce qui entoure la tête. Et peut un peu. Ça peut monter aussi. Naam. Et en France, l'imam n'est pas répandu. Car la plupart des musulmans de France viennent du Maghreb et d'Afrique. Et ce qui est connu au Maghreb, comment est-ce qu'on appelle ça en fusra? Hein? Comment est-ce qu'on appelle ça en fusra? Qulan suwa. Kunta ta'arif al-jawab? Non. Qulan suwa. Comment est-ce que vous dites? Shashia, taqiyya? Non. Qulan suwa. Et en France, celui qui, yarhamukallah, celui qui mène imam, comme c'est connu, il y en a dans les pays du Golfe, du Kharid, au Yémen et dans d'autres pays, on croit que tu es un tablir. Sahih? Alors que, yani, ils ne mettent pas la imama de la manière la plus esthétique, disons. L'imama, mais la sunna. D'accord? L'imam, c'est une sunna, bimana, c'est une chose qui était faite et connue chez les Arabes, et le prophète sallam, yani, l'a portée. Non. Donc on ne pense pas qu'un quelqu'un a une imam, c'est un tablir là. Hada ghalat. Wadah le kalam ou la? Tayyib. Aussi, parmi ceux qui peut-être n'ont pas étudié ou ont certaines visions de certaines situations erronées, c'est que lorsqu'une personne, une ahl bid'a ou ahl dalal ou autre, fait une chose, na'am, et qu'une personne à la sunna fait cette même chose, pas parce que lui l'a faite, mais fait cette même chose, il lui dit pourquoi est-ce que tu fais ça alors que, par exemple, al-ikhwan yaf'alun kada wa kada. Hada laysa bihujja. Na'am. Ça, c'est pas un argument en soi. Par exemple, si moi je vois un ikhwani qui fait le mas' al-khufayn, puis moi, ensuite je fais le mas' al-khufayn, toi tu viens, tankal alay. Moi je fais le mas' al-khufayn, sunna. Wadah? Donc c'est pas toute chose qu'une personne qui n'est pas à la sunna fait qui est mauvaise. Et c'est pas parce qu'une personne qui n'est pas à la sunna fait une chose que sahib sunna la délaisse. Wadah le kalam, est-ce que c'est compris ça? Na'am? Barakallahu fikum. La preuve que al-mas' al-imama est mashrou', hadith al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam masaha 'ala imamatihi wa 'al-imama wan-nasiyah wal-khuffayn. Al-Mughira radiyallahu anhu nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le mas' et ici trois choses: al-imama, الناصية ناصية مقدمة الرأس, c'est cet endroit-là de la tête, c'est-à-dire ce qui est au-dessus du front, c'est ce qu'on appelle الناصية, et الخفي, les chaussures. Donc certaines imams, on la porte et on découvre un peu ici, on la porte, ça entoure la tête, mais on découvre là. Le prophète sallam, lorsqu'il a fait le masah, les mains mouillées, il a fait ainsi. Il est passé sur un nasiya et il a fait sur l'imam. Wadah? Wa hadith Bilal radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam masaha 'ala al-khuffayn wal khimar. Masaha 'ala al-khuffayn wal khimar. Ma al-murad bil khimar fi hadha al-hadith? Madha qala ulama'una? Donc dans ce hadith, le prophète Bilal radiyallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le masah sur al-khufayn, les chaussons, et al-khimar. Qu'est-ce qui est voulu par le khimar dans ce hadith? Si on parle d'une femme, c'est quoi le khimar? Hein? Le khimar, c'est ce qu'elle porte sur sa tête. Khimar ou al-mar'a, ma talbasu al-mar'a ala ra'siha. C'est ce qu'elle porte sur sa tête. On appelle ça un khimar. Wadah? Tayyib, ici on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Na'am? العمامة العمامة لذا العلماء استدلوا بهذا الحديث في باب المسعى على الخفين عفوا في المسعى على العمامة d'accord. Ce qui est voulu par le khimar ici, le charh du mot al-khimar, c'est al-imama, c'est le turban. C'est pour cela que les savants ont mis ce hadith dans ce chapitre. Je pourrais te dire, mais pourquoi est-ce que le savant a mis ce hadith-là dans ce chapitre? De par notre ignorance. نعم ننكر على أهل العلم في بعض تصرفاتهم واستدلالاتهم. نعم. De par notre manque de science, il se peut qu'on se dise ou qu'on dise pourquoi tel cheikh a fait telle chose, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait telle chose, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit telle chose, ou pourquoi est-ce qu'il a dit telle chose. Ça, c'est dû à notre manque de fiqh. نعم. Un ignorant pourrait lire ce hadith et dire aucun rapport. نعم. Comme certains ignorants disent, Ali Shir a dit ça, aucun rapport. Subhanallah. Na'am. Al ulama laysu bi ma'soumin. Na'am. Les savants ne sont pas infaillibles. Ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais yafqahoun. Mais ils ont le fiqh, ils ont la compréhension. Na'am, lorsqu'ils parlent, ça n'est pas ma'za pour rien. Donc on ne dit pas qu'ils sont infaillibles. Mais lorsque tu ne comprends pas la chose, tu dois t'en prendre à ton manque de science, à toi. Na'am. Et pas accuser le shir avec ton cœur ou avec ta langue. Par la suite, il se peut que le shir ait commis une erreur du fait qu'il est tout simplement humain. Na'am. Une remarque pour celui qui porte l'imam. Celui qui porte l'imam, dont le début de la tête, al-nasiya, donc au-dessus du front, est découvert. Quel est le jugement du mas sur al-nasiya pour celui qui a l'imam? Quel est le jugement du mas ala al-nasiya, muqaddimatul ras, ce qu'il y a au-dessus du front, pour celui qui porte l'imam? Laysa biwajib. Pour celui qui porte l'imam, de faire le mess sur le début de la tête, en commençant par le front, n'est pas à ce moment-là une obligation. S'il a l'imam, l'obligation, c'est de faire le mess sur l'imam. Sur l'imam. Et le mess à la nasiya, dans ce cas-là, c'est mustahab. Dans ce cas-là, c'est mustahab. C'est recommandé. إنما الواجب مس العمامة obligation dans ce cas est d'effleurer ou d'essuyer sur العمامة. La seconde question, مدة المس من مس على العمامة ما هي المدة, quel est le temps, نعم, quel est le temps qui nous est accordé pour المس على العمامة. Pour Al-Mas al-Khufayn, qu'avions-nous dit? Pour le résident, un jour et une nuit, à partir du Mas. Et pour le voyageur, combien? 3 jours et 3 nuits, à partir également du Mas. Pour Al-Imam, les savants, Al-Shir ibn Azim rahmahullah ta'ala, nous dit: يمسح المقيم يوما وليلا والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن قياسا على الخف. ابن عثيمين رحمه الله تعالى dit: celui qui a l'imam et qui est résident peut essuyer pendant un jour et une nuit, et celui qui est en voyage pendant 3 jours et 3 nuits, en analogie faite avec les chaussons. Donc il a dit, on dira comme pour les choses. Shurutul mas' ala al-imama. Quelles sont les conditions qui nous permettent de faire al-mas' ala al-imama? Premièrement, ibahatul imama. Que la imama soit licite. Que la imama soit licite. Qu'elle ne soit pas, par exemple, volée. Deuxièmement, taharatuha, que la imama soit pure. Que la imama soit pure. Elle ne doit pas être najisa. Et celui qui a une imama, par exemple, faite de peau de porc, peut faire le mess? Non. De peau de chien, il peut faire le mess? Non. Wa hakala. Non. Et celui qui a une impureté, pas une najasa ayniya mais hukmiya, non. Lui, que devra-t-il faire s'il veut faire salat? Il enlève cette impureté. Il nettoie cette impureté, il pourra faire ça. La troisième condition, antakoun al-imama lirajuli. La troisième condition, que l'imama soit à un homme. Pourquoi? Car la femme n'a pas la permission de porter l'imama. L'imama fait partie des vêtements des hommes. Fait partie des vêtements des hommes. Est-ce que la femme a le droit de ressembler à l'homme? Là, c'est min kaba'ir adh-dhunub. Ça fait partie des grands péchés. Naam, ça fait partie des grands péchés. Que la femme soit au mas et que l'homme yani soit efféminé ou cherche à ressembler à la femme, s'habille comme la femme et ainsi de suite. Iyadhan billah, na'oudhu billah min taqlib al-haqa'iq wal-fitar. Qu'Allah nous préserve d'altérer la saine nature sur laquelle il nous a créés, vers laquelle il nous a guidés, subhanahu wa ta'ala. Nous sommes arrivés à une époque où on trouve ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la'ana a maudit. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit l'homme qui ressemble à la femme et la femme qui ressemble à l'homme. La quatrième condition, un yalbasa ala tahara, qu'il a mis la imama après, ou bien en état de purification, qu'il ait porté, qu'il ait fait la imama en état de purification. C'est-à-dire, il a le wudu et il met l'imama. Il a le wudu, ensuite seulement il met l'imama. On comprend de la parole du shir que celui qui n'a pas le wudu, qui met l'imama, c'est au moment de faire le wudu. Au moment de faire le wudu, il devra faire quoi? Hein? Il devra l'enlever et faire le mess sur sa tête et essuyer ses ongles. Barakallahu fik. La cinquième condition, antastura ar-ra's. Antastura jami' ar-ra's illa ma jarat bihi al-'ada. Illa ma jarat bihi al-'ada bi kashfi. La cinquième condition, que la imama couvre entièrement la tête sauf ce qui est découvert de manière générale dans les habitudes. Non. Que la imama couvre la tête sauf les parties qui en général ou dans les habitudes des gens sont découvertes, comme un nasir par exemple. Comme un nasir, par exemple. La sixième et dernière condition, ayakun al-mesh fi taharatin sughra, que le mesh sur l'imama soit fait lors de la purification mineure. Lors de la purification mineure. Mais celui qui doit faire le ghusl, est-ce qu'il peut faire le mesh sur l'imama? Non. Une autre question, la femme qui fait le lavage après le hayd, après les menstrues, est-ce qu'elle peut faire le mess sur l'imam? Ou non? Ou non? Non? Pourquoi non? Aslahakallah. Là, tu reconnais celui qui dort de celui qui ne dort pas, les yeux ouverts pendant le dars. Tadbar. Parce que l'imama, ça concerne que les hommes. La femme n'aime pas l'imama. Si la femme aime l'imama, tu dois avoir peur. C'est pas normal. Wadah. L'imama, c'est pour les rijal. Même si, je sais, nous sommes arrivés à une époque où des femmes prennent les choses qui concernent que les hommes. Qadar Allah wa ma sha'a fa'al. Mais quand même, l'imama, Allahu alam, on n'est pas arrivé encore à ce stade-là dans taqlib al-haqa'iq. Paraît-il, on dit même maintenant aux enfants, Vous pouvez choisir ce que vous voulez avoir comme sexe. Nous, on n'a jamais vu ça. On est né, on avait quelque chose. Wadah, t'es un rajoul ou t'as pas quelque chose, t'es une mara. Amma, tu dis de toi-même, tu peux choisir. On n'a jamais vu un homme accoucher. Sahih ou lala? Ou non? Subhanallah. Ha'oula, a'jazun nas. Ces gens-là, les plus faibles, on leur demande de tous s'unir et de créer une mouche. Après cela, on entame le débat sur le reste. Amma, ils n'arrivent pas à créer une mouche. Et ils veulent faire comprendre, ou ils veulent faire croire à nos enfants qui ont plus de aql qu'eux, qu'ils peuvent choisir ou... Là, Ibni, ma yusaddiqu lak abadan. Jamais mon fils ne te croira sur un mensonge aussi absurde que celui-ci. Subhanallah, taqul lil walad anta lasta bi dhakar bal laka an takun untha. A'udhu billah. Yani on dit au petit garçon, tu n'es pas né de sexe masculin. Depuis tout petit, il sait qu'il a quelque chose de plus. Et on va lui dire maintenant, non, finalement tu peux choisir ou kada ou kada. Hada kalam batil. Na'am. Même les animaux ne sont pas descendus à ce niveau-là. Ils savent le mâle, ils savent que c'est un mâle. Sahih ou lala? Ou non? La femelle, elle sait que c'est une femelle. Sahih ou lala? Et les humains, parmi les humains, hein, on trouve des gens à qui on a donné la raison. Al-sam' ou al-basar. Et ainsi de suite, on leur a donné la raison, on leur a donné les capacités, la vue, l'ouïe, et ainsi de suite, l'intelligence. Et lui, il ne sait pas que c'est Allah Azza wa Jalla yakhluquna hakala. C'est Allah qui décide. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah nous dit dans le Coran, il fait don de qui il veut, ou il fait don à qui il veut de garçon, et il fait don à qui il veut de fille. Wadha hadha min Allah laysa ilayk. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le donne. Ça n'est pas entre tes mains. Na'am. Les animaux ne vous ont pas cru. Vous croyez que vous allez faire croire ça aux musulmans? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. De tout temps, les garçons jouent aux petites voitures, et ils jouent au pistolet, et ils jouent à la bagarre, et ils jouent à ceci et à cela. Sahih? Et de tout temps, la fille elle joue à la maman, et la fille elle joue à Madri, la dinette, ou elle fait talbi'in, elle prend une feuille et elle dessine. Wa'akada. Et Annie, c'est une chose sur laquelle les enfants grandissent et penchent. C'est la fitra. Et Annie, est-ce qu'aujourd'hui, cela veut dire qu'on doit prendre nos filles, waffaqahunna Allah, et leur donner une mitraille dans la main et un pistolet et les faire se battre entre elles et wahakada hakada pour qu'elles puissent penser que elle a une chance de devenir un jour un garçon, ou yani des choses que je n'ose pas dire. Est-ce qu'on va prendre l'enfant, le petit garçon, et lui donner par exemple comment on appelle ça, une trousse de maquillage ou des dinettes, comme ça qu'on dit, et aller jouer à éduquer des enfants et des choses comme ça, et on prend les garçons et les met dans ça. Ah, kada yuridun. Na'am. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Amma, le sujet que la femme elle commande l'homme et que ça, je rentre pas dans ça. Na'am. Pour ne pas blesser certaines personnes qui sont dans de grandes difficultés. Aslah Allah l'umour. On revient à notre cours. Voici pour al-mas'al al-imam. Sur certaines questions, sachez qu'il y a des divergences, mais je vous cite la parole d'Ibn Asim, rahimahullah ta'ala. Le chapitre suivant, après avoir vu al-mas'al al-khuffayn, puis al-mas'al al-imam. Voyons maintenant al-mas'al al-khimar. Voyons maintenant Al-Mas al-Khimar. Wal-Khimar ma'akhoud min al-Khamra. Wal-Khimar ma'akhoud min al-Khamra. Wahwa ma yughatta bihi al-Shay. Wahwa ma yughatta bihi al-Shay. Al-Khimar, ça vient du mot Al-Khamra. Al-Khamra, c'est ce avec quoi on couvre la chose. C'est ce avec quoi on couvre une chose. Fakhimar al-Mar'ati ma. Donc le khimar de la femme, c'est ce avec quoi elle couvre sa tête. C'est ce avec quoi elle couvre sa tête. Certaines personnes durant le cours tentent de poser des questions en vain, et certaines personnes à la fin du cours tentent de poser certaines questions aussi en vain. Souvent, parce que ça n'est pas le moment adéquat. Tu poses une question, par exemple, sur le khimar. Le chapitre du khimar va venir, inshallah ta'ala. Donc, tu étudies la leçon. Tu cherches à comprendre la leçon. Tu notes ce qui te pose problème. Et à la fin, lorsque le sujet est fini, si tu n'as pas compris, tu détailles, tu cherches à détailler, tu cherches à avoir plus d'informations, tu questionnes wa hakka. C'est ainsi qu'il faut faire. Quant au fait de poser la question avant, pendant le dars, il se peut que la réponse arrive. Et toi, tu interromps, du moins tu tentes, parce que le cours, on ne l'interrompt pas ici, mais tu tentes de le faire, et ça ne te fait que perdre du temps. Donc ça, c'est un adab à avoir dans le cours. Alhamdulillah, les frères ici, pour la plupart, 39,9% long. Mada, on n'interrompt pas ainsi le cours, car il se peut que la réponse ou le sujet qui t'intéresse particulièrement vienne durant le cours. Si le sujet a été traité et qu'il te reste ensuite une zone d'ombre où tu as un doute sur la compréhension, à ce moment-là, c'est sage de poser quand même ta question. Ou si le sujet change. Barakallahu feekum. Donc, khimarul mar'a, c'est ce qui couvre sa tête. Al-awla lil mar'a an tamsaha 'ala khimariha idha kanat hunaka mashaqqa fi naz'iha aw li maradin fi ar-ra's aw nahwi. Ce qui est le mieux pour la femme, c'est de ne pas faire le mess à l'al-khimar tout le temps, lorsqu'elle fait le wudu et qu'elle le porte. Mais le mieux pour elle, c'est de faire le mess à l'al-khimar en cas de nécessité, lorsqu'il y a une difficulté pour enlever son khimar. S'il y a une gêne pour enlever le khimar, ou bien si elle est malade, ou quelque chose de semblable. Dans ce cas-là, le mieux c'est qu'elle fasse al-mas' ala al-khimar. Est-ce que c'est compris? Donc si la femme a une difficulté à enlever son khimar, ou si la femme craint une nuisance en levant son khimar, ou elle est malade, ou des choses semblables, le mieux c'est qu'elle fasse al-mas' ala al-khimar. Wa qad ja'a 'anil Hasan عن أمه عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار. Et Al-Hassan rapporte de sa mère que Umm Salama faisait le mess على الخمار. Qui est Al-Hassan ici? Et qui est sa mère? Sachant qu'elle rapporte de Umm Salama. Parmi les servantes de Umm Salama, il y avait une femme qui a donné naissance à un enfant qu'on surnomme Al-Hassan al-Basri, qui est un grand saint. Naam, la mère d'Al-Hassan al-Basri a été élevée dans les demeures, dans la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? C'est pour cela qu'Al-Hassan rapporte de sa mère, qui rapporte de Umm Salama, radiallahu anha. Donc Umm Salama faisait al-mas ala al-khimar. Qui est Umm Salama? C'est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel jour sommes-nous? Vendredi. Pour mercredi, inshallah ta'ala, un devoir que je donne à nos sœurs, wafaqahun Allah, à faire pour mercredi prochain, à l'écrit. Vous allez me citer dans l'ordre de mariage toutes les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je répète la question. Je ne pose pas cette question aux hommes, je sais que 99% ne seraient pas capables de répondre. Je pose cette question aux femmes. Na'am. Wallahu a'lam. Donc, toutes les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, et avec une condition, dans l'ordre de mariage. Et ce point-là a son importance. Si vous ne faites pas dans l'ordre de mariage, il y aura au moins une faute. Na'am. Donc, dans l'ordre de mariage, de aqd. Voilà. La semaine prochaine, inshallah ta'ala, vous faites passer cet exercice. Et il nous convient de connaître les épouses du prophète sallam, la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les prêcheurs, ceux que j'ai vu le plus accorder d'importance à cela, deux frères, wafaqahum Allah. Le frère Abdul Malik Abu Imran, le frère Abdul Malik Abu Imran, qui habite à côté et qui fait le khutba Blanc-Minil. Jazallahu khayran, yahtam jiddan bisira. Des années, yad'u. Yad'u ila ma'rifati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Yad'u ila Allah, la yu'arrifa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ila an-nas. Et le deuxième frère, le frère Sadiq, Abu Yahya, wafaqahullah, jazahullahu khayran, et il fait partie des peu de personnes à qui Allah Azza wa Jalla a accordé la réussite afin d'enseigner entièrement Al-Shama'il. Na'am. Al-Shama'il de l'imam al-Tirmidhi, Abu Isa, rahimahullah ta'ala, en prenant le charf de Cheikh Abdul Razzaq Al-Badr, hafidahullah ta'ala. Et je vous encourage à tirer profit de ces audios. Quant à celui qui est arabophone, Al-Sheikh Abdul Razzaq, hafidahullah ta'ala, a ses audios sur son site Al-Badr. Naam. Pour les hommes, un autre devoir. Les femmes qui veulent ajouter du bien à leur bien le feront aussi. Vous allez me citer les 10 personnes, les 10 promis au paradis, ceux qu'on surnomme Al-Mubasharoun Abil-Jannah. Naam, Al-Mubasharoun Abil-Jannah. Ceux qui ont été Mada, promis au paradis, sont plus que 10. Mais ces 10-là, on les appelle ceux qui ont reçu la bonne nouvelle du paradis, car ils ont été cités dans le même hadith. À la suite. Donc pour la semaine prochaine, inshallah ta'ala, vous me citerez cela. وقد جاء اذا عن الحسن عن ام سلمة انها كانت تمسح على الخمار. Donc ام سلمة faisait le mas على الخمار. Et certains savants ont dit وقد يقال بان الخمار للمرأة بمنزلة العمامة للرجل لان المشقة موجودة. Certains savants ont dit, et on peut dire, que la difficulté concernant le khimar pour la femme est semblable à celle de la difficulté concernant l'homme pour l'imam. Donc tout comme on peut faire le mas à l'imam, la femme peut faire le mas على الخمار. من رمق لا يجب مع المسح على الخمار مسح الأذنين أو مسح الأذنين. من رمق celui qui fait le masah sur al-khimar n'a pas l'obligation de faire celle qui fait le mas'al al-khimar n'a pas l'obligation de laver ses oreilles. Le chapitre suivant, Bab al-Ghusl. Le chapitre suivant, Bab al-Ghusl. Al-Ghusl lughatan masdar min ghasal al-shay yaghsiluhu ghaslan wa ghuslan. Shar'an at-ta'abbud lillah bi isti'mali ma'in fi jami'i al-badani 'ala sifatin mahsusah. Al-Ghusl a pour définition التعبد لله باستعمال ماء في جميع البدن على صفة مخصوصة. الغسل dans la religion est une adoration qu'on voue à Allah qui vise à utiliser de l'eau sur à passer de l'eau sur l'ensemble du corps d'une façon particulière. D'une façon particulière. Connu de tous. Azun. قال الله سبحانه وتعالى. Ou avant cela, ما حكم الغسل? Quel est le jugement religieux du ghusl? Quel est le jugement religieux du ghusl? Qu'est-ce qui répond à cette question? Je ne te donnerai pas la parole car je n'ai pas envie que tu te trompes. عندما تفضل. C'est une adoration. D'accord. Lorsque je dis le jugement, c'est-à-dire, est-ce que c'est wajib, est-ce que c'est mandou, est-ce que c'est mubah, est-ce que c'est makruh ou bien est-ce que c'est muharram? Est-ce que c'est obligatoire ou interdit? Est-ce que c'est recommandé ou détestable ou est-ce que c'est tout simplement permis? Comment? C'est une obligation pour celui qui... Je n'entends pas. Qui a les grandes impuretés. La baisse. Naam. Wajibun idha wujida sababul ghusli. C'est une obligation pour celui qui est dans l'état. Naam. Où il doit faire le ghusl. Donc lorsqu'il y a la cause de l'obligation, on dit que c'est une obligation. On verra que parmi les le ghusl recommandé, non pas obligatoire, le fait de faire le ghusl pour celui qui est malade ou pour celui qui a eu un rapport avec son épouse et qui veut à nouveau avoir un rapport. Donc ça n'est pas tout ghusl qui est wajib. Ce n'est pas tout ghusl qui est wajib. Naam. La plupart même ne le sont pas. On parle du ghusl shar'i. Donc, hukm al-ghusl wajibun idha wujida sababu lil wujub. Afwan. Qala Allah ta'ala fa in kuntum junuban fattahharu. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, selon la traduction, et si vous êtes en état de janab, alors purifiez-vous. De quelle purification il s'agit dans ce verset? Majeur, les grandes ablutions, al-rusl. Al-rusl. Et les ahadiths sont connus sur cela. Mujibat al-rusl. Le point suivant, mujibat al-rusl. Qu'est-ce qui rend obligatoire al-rusl? Dans quel cas la personne a l'obligation de faire al-rusl? Awalan, premièrement, khuruj al-mani dafqan biladhatin min dhakarin aw umtha. لقوله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. والجنب هو الذي خرج منه المني ذفقا بلذة. La première chose qui est obligatoire est le ghusl, c'est l'éjaculation. Donc c'est la sortie du sperme de manière ماذا, comment est-ce qu'on va traduire dafqan, c'est le terme exact en français, c'est l'éjaculation, mais c'est-à-dire que ça sort avec une certaine pression. Ça c'est la première chose. Donc pour le premier point, la sortie du sperme de manière vive, je ne sais pas comment traduire, biladha, avec plaisir. Que cela soit de l'homme ou bien de la femme. Que cela soit de l'homme ou bien de la femme. Car Allah dit dans son livre, la traduction, et si vous êtes en état de janaba, alors purifiez-vous. Et le junub, celui qu'on appelle le junub, celui qui est en état de janaba, c'est celui dont le sperme est sorti de manière, de cette manière décrite auparavant, c'est-à-dire dafqan biladda, avec plaisir et en sortant de cette manière. Trouvez un terme si vous pouvez. Voilà, enfin je vais chercher inshallah. طيب. Si le liquide, donc le sperme sort en effusion, en effusion, ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي, la deuxième preuve, le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il a dit à Ali رضي الله عنه, إذا فضخت الماء فاغتسل, رواه أبو داود. والفضح, والفضخ هو الخروج على وجه العجلة. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à Ali ibn Abi Talib رضي الله عنه, si le liquide sort en effusion, alors lave-toi. Si le liquide sort en effusion, alors lave-toi. De quel liquide il s'agit ici? Al-mani. Retenez ces termes. Al-mani, c'est le sperme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, si le liquide sort en effusion, alors lave-toi. Qu'est-ce qu'on tire de ce hadith? Fartasil, c'est un ordre. Donc, l'obligation de faire le ghusl pour celui qui a la sortie du mani dafqan. Dans un... Pour expliquer le mot, al-fadr huwa al-khuruj ala wajh al-ajala. Al-fadr, c'est lorsque la chose sort de manière rapide. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kama kharajahu Muslim rahimahullah ta'ala, al-ma'u min al-ma'. Al-ma'u min al-ma'i. Donc l'eau pour l'eau. Dans le cas où il y a l'eau, tu as l'obligation d'utiliser l'eau. Donc le premier terme utilisé, al-ma, l'eau, de quelle eau il s'agit? C'est l'eau normale. D'accord? C'est l'eau normale. L'eau pure. Min al-ma, s'il y a l'eau, le liquide, on traduira ici par le liquide. De quel liquide est-ce qu'il s'agit ici? Al-mani. Al-mani. Rawahu Muslim. Tanbih, une remarque importante et qui allégera beaucoup ou bien certaines personnes. Yushtaratu ad-dafqu biladdha lil-mustayqidh bi khilaf an-na'im fa innahu la yushtaratu ad-dafqu biladdha li'anna an-na'ima qad la yuhissu bih. Wa liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam lamma sa'alathu umm Sulaym, idhan an umm Sulaym, an umm Salama radiyallahu anha qalat أم سليم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق أفعل المرأة غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء أي المني، رواه البخاري ومسلم. Une remarque, c'est que quand je vous ai dit ça allégera certaines personnes, je pensais à la seconde remarque, pas celle-ci. Donc la première remarque, c'est que l'effusion, le fait que ça sorte de manière rapide et qu'on ressente le plaisir, c'est une condition pour celui qui est éveillé. C'est une condition pour celui qui est réveillé. C'est clair ? Quant à celui qui dort, on ne conditionne pas ces deux choses-là. Pourquoi ? Tout simplement car il ne peut ne pas ressentir. Il se réveille et il trouve le liquide. Est-ce que dans son cas, on lui dit « Tu n'as pas besoin de faire le rousse ?» Car il n'a pas mada, il ne sait pas s'il est sorti d'Afghan, et il ne sait pas, ou plutôt il n'a pas ressenti le plaisir. Non, ça c'est une condition pour celui qui est réveillé. Ce sont des conditions pour celui qui est réveillé. Quant à celui qui dort, la condition c'est qu'il trouve le liquide. S'il voit le liquide, il fait al-ghusl. La preuve de cela, il a le hadith de Umm Salama, elle, radiallahu anha, qui est Umm Salama? Naam, c'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit Umm Sulay, radiallahu anha, radiallahu anhuma, a dit au messager d'Allah, certes Allah ne se gêne pas de la vérité. Certes Allah n'a pas honte de la vérité. Est-ce que la femme doit faire le grand lavage si elle fait un rêve érotique? C'est-à-dire si elle fait un rêve, yani, si elle fait un rêve érotique, c'est wadah, inshallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, si elle voit le liquide. Oui, si elle voit le liquide. C'est-à-dire au réveil, si elle trouve le liquide, naam, elle doit, donc sur ses vêtements, ses draps, elle doit faire al-rusl. Elle doit faire al-rusl. De quel liquide il s'agit ici? Al-mani. Et ici une faïda, c'est que l'ilmar'a mani. Ici une faïda, c'est que tout comme l'homme a du mani, la femme a du mani. Naam, il est différent, mais la femme a du mani. D'accord, on tire de ce hadith, d'accord, on tire de ce hadith que tout comme l'homme a ce liquide, elle manie, la femme l'a également. La femme l'a également. Et lorsqu'un sahabi s'est étonné de cela, suite au hadith du prophète sallam, concernant la ressemblance de l'enfant à l'un des deux parents. Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le premier qui nzel, le premier qui, on va dire, lâche le liquide, ben, ça va... L'enfant penchera vers celui-ci. C'est-à-dire, si l'homme finit en premier, l'enfant penchera vers l'homme dans la ressemblance. Et si c'est la femme qui finit en premier, l'enfant penchera vers la femme dans la ressemblance. Le sahabi a dit, « Awalil mar'ati mani ?» Le sahabi s'est étonné. Il a dit, « La femme a du mani ?» Prosem lui a dit, « Comment est-ce que l'enfant ressemblera alors à la mère ?» Naam, comment est-ce que l'enfant ressemblerait alors à la mère ? Si ce n'est qu'il n'est pas, il n'a pas la même couleur, n'a pas la même texture. Et le fait de détailler cela ne nous aide pas ici pour le jugement religieux. Donc, la première chose qui rend obligatoire le fait de faire le rousl, c'est quoi? Khurujul mani dafqan biladba. La sortie du mani dafqan biladba. On comprend de cela, et ça viendra inshallah ta'ala, que celui qui a une sortie de sperme, pas avec ces conditions-là, il n'a pas à faire le rousl. Il n'a pas l'obligation de faire le rousl. D'accord? Ça n'est pas avec désir, ou ça n'est pas sorti, il n'a pas eu d'éjaculation, il n'a pas l'obligation de faire le rousl. Sorti par exemple par maladie, ou à cause du froid, ou d'autres causes. Al-Mujibu Thani, la deuxième chose qui rend obligatoire à la personne le fait de faire le rousl, تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي وإن لم يحصل الإنزال. La deuxième chose qui rend obligatoire le ghusl. C'est le contact entre les deux organes sexuels de base d'un homme et d'une femme. Le contact entre les deux organes sexuels de base chez un homme et entre un homme et une femme. Même si ce rapport n'a pas été jusqu'au bout. En d'autres termes, même si il n'y a pas eu, même si ça n'a pas été jusqu'à l'éjaculation. Donc là, le deuxième cas, d'abord je répète et je détaille quelque peu les termes. Taribu hashafatin asliya fi fardin asl. Donc c'est le fait que l'homme mette sa verge dans le sexe de la femme. Au point où le bout, c'est-à-dire l'endroit qui est circoncis, on ne le voit plus. D'accord ? Donc il entre au point où on ne voit plus le bout de sa verge. C'est-à-dire, pour être plus précis, l'endroit où l'on circoncit la personne. Si on découvrait j'ai oublié le nom de ce bout de peau, le prépuce, naam, cet endroit-là, naam, pour pas dire plus, s'il se perd dans le sexe de la femme, de base, donc le bout de l'homme, de base, dans le sexe d'une femme, de base, donc une femme, naam, de base, à ce moment-là, ils ont l'obligation de faire le ghusl. Même si ils n'ont pas fini ce rapport, et même s'il n'y a pas eu d'éjaculation. Est-ce que c'est clair? Pour expliquer les termes de cette condition, hashafatin asliya, donc la partie de l'homme de base. Pourquoi est-ce que les savants, les fuqaha, ont dit de base? لأن الإنسان قد يكون قد لا يكون له آلة. Car l'homme peut avoir un handicap. D'accord? Il peut ne pas avoir de verge. D'accord? Il peut ne pas avoir de verge. Mais on lui met quelque chose d'autre. Ou il utilise quelque chose d'autre. À ce moment-là, il n'a pas l'obligation, lui, de faire al-ghusl. Donc, si le bout de sa verge disparaît dans le vagin de la femme, il a l'obligation de faire le ghusl. Ils ont l'obligation de faire le ghusl. Et les savants disent asliya de base, car il se peut que la personne n'ait pas ce membre. Naam, Dieu a un handicap. La preuve de cela, قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس أي الرجل بين شعبها الأربع ومسح الختان الختان الختان وجب الغسل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, s'il se met entre ses quatre membres, donc si l'âme se met sur la femme, les quatre membres ce sont les deux bras et les deux jambes, et que l'endroit de la circoncision touche l'autre, ils ont l'obligation de faire le ghusl. Ils ont l'obligation de faire le ghusl. L'endroit de la circoncision touche l'autre, c'est ce que je vous ai expliqué. Que le bout du sexe de l'homme jusqu'à l'endroit de la circoncision entre dans le vagin de la femme. Si cela arrive, le prophète sallam a dit wajaba al-ghusl. Wa li hadith Abi Hurayrah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala idha jalasa bayna shu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl. Wa fi riwayatin anzala am lam yunzil. Rawahu Muslim wa Ahmad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme dans le hadith d'Abi Hurayra, apporté par l'imam Muslim Ahmed, si il se met entre ses quatre membres, donc si l'homme se met sur la femme, les quatre membres sont ses bras et ses jambes, puis, yani si l'homme se met entre les quatre membres, donc de la femme, puis il y a pénétration, ils ont un rapport, on va dire, puis ils ont un rapport, alors ils ont l'obligation de faire le rousse. Ils ont l'obligation de faire le lavage. Dans une autre version du hadith, qu'il y ait éjaculation ou non, qu'il y ait la sortie du liquide ou non. Donc ceci est la preuve de tout ce qui a été cité avant par Ash-Shir. رحمه الله تعالى والفرج غير الأصلي لا تتعلق به الأحكام quant au sexe qui n'est pas de base, s'il est artificiel, il n'y a pas de ahkam, il n'y a pas de jugement religieux qui s'y rapporte. On ne parlera pas de rusl ou de pas rusl. Ces ahkam, les jugements religieux, ne sont pas relatifs à cet appareil. Faïda, j'ai dit une information profitable et subtile. Idha kana alayhi ha'il, al-ahwat, al-ahwat an yartasil. Donc s'il y a un rempart, dans ce cas-là, il n'y a pas l'obligation du rousse. Mais la prudence est qu'il fasse le rousse. La prudence est qu'il fasse le rousse. Et je questionnerai une personne de science, inshallah ta'ala, sur certains cas qui peuvent entrer dans cela. Voici le deuxième cas qui rend obligatoire al rousse, le grand lavage. Le troisième cas, islam ou kafiri, walaw murtad. Le troisième cas, la conversion du mécréant à l'islam. Si une personne embrasse l'islam, elle fait al rousse, même si c'était un apostat, quelqu'un qui avait renié la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. لأمر النبي صلى الله عليه وسلم قيس ابن عاصم حين أسلم يغتسل بماء وسدر والأصل في الأمر أنه للوجوب. Le troisième cas qui est obligatoire, le ghusl, la conversion à l'islam. Car le prophète صلى الله عليه وسلم ordonna قيس ابن عاصم, lorsqu'il s'est converti, de se laver avec de l'eau et du cidre. Cidre donne une odeur. Et la base dans l'ordre, c'est que c'est l'obligation. Quatrièmement, la quatrième chose qui est obligatoire, al-rusl, al-maut, la mort. Allah husn al-khatima. أخونا صادق حفظه الله تعالى خطب بهذا الموضوع وبسيئها صادق حفظه الله تعالى في خطبه sur la bonne fin et sur la mauvaise. Je vous conseille de les écouter, vous pouvez les trouver sur le site de la voie droite. La semaine passée on avait fait une, et ce vendredi on a fait une, et lui met ses cours très rapidement, vous allez les trouver rapidement. والله المستعان. الموت. Quatrièmement, la mort. عن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته قال يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. البروفيس صلى الله عليه ماذا أم عطية رضي الله عنها نجيب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré alors que nous étions en train de laver sa fille. Naam. Comme vous devez le savoir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu la plupart de ses enfants. Naam. De son vivant. Il a perdu la plupart de ses enfants de son vivant. Naam. Ses deux filles qui ont été épouses l'une après l'autre de qui? Naam. De Uthman ibn Affan radiallahu anhu. C'est pour ça qu'on le surnomme Zou Nouraï, l'homme aux deux lumière. Naam, en faisant en référence à Zainab et Umm Kalthoum. Ou bien une autre. Donc, il est entré alors qu'elles étaient en train de laver sa fille. Il nous a dit, vous devez la laver par 3 lavages, 5 ou plus si vous jugez cela. Si vous jugez qu'il y a une nécessité dans cela. Avec de l'eau et du cidre. Avec de l'eau et du cidre. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما كما سنام ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله il fait partie de l'Abadila il fait partie de l'Abadila ça les compagnons connus qui ont pour nom qui ont pour prénom عبد الله نعم comme qui par exemple عبد الله بن سعود Abdullah ibn Umar. Naam. Comment est-ce qu'on les surnomme? Al-Abadila. Naam. Le pluriel du deux, Abdullah, du serviteur d'Allah. Et c'est le fils de qui? Ibn Abbas veut dire littéralement le fils de Al-Abbas. Naam. Et qui est Al-Abbas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Naam. Son oncle. Naam. C'était son oncle. Pour information, mon cher frère, sache qu'il y a un hadith où le prophète dit de ne pas s'appuyer ainsi. Toi, exactement comme tu étais, le prophète dit de ne pas s'appuyer ainsi. Afidakallah, jazakallahu khayran. Qu'Allah nous facilite à mettre en pratique lorsqu'on entend un hadith du prophète aussi bien que tu le fais toi. Afidakallah. Donc, comme nous a dit notre cher frère, quel est ton prénom? Allahu Akbar. Abdullah. Remercie tes parents pour t'avoir donné le meilleur des noms. Naam. Allah karamuk. Maza. Donc, comme nous a dit notre frère Abdullah, que Al-Abbas est, radiallahu anhu, l'oncle du prophète. Et les oncles du prophète se divisent en 3. Rappelez-moi de vous citer cela à la fin du cours. Rappelez-moi de vous faire. De vous citer cela à la fin du cours. Inch'Allah. Donc Ibn Abbas radiallahu anhu nous dit Kharra rajulun min ba'iri fawqisa famat. Faqala al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam arsiluhu bima'in wa sidr. أو يغسلوه بماء وسدر يغسلوه بماء وسدر Un homme est tombé de son chameau et s'est fait marcher sur le cou. Naam. Il est tombé et il s'est fait marcher sur le cou. Il s'est fait piétiner. Il est donc décédé. Il est mort. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lavez-le avec de l'eau et du cidre. Lavez-le avec de l'eau et du cidre. Tous ces hadiths nous montrent quoi? Le caractère légiféré et même l'obligation comme a dit Shir de laver le mort musulman. De laver le mort musulman. On avait combien de points? 4. Quel était le premier? L'éjaculation, la sortie du sperme, dafran biladda. Naam, ça sorte de manière rapide et avec plaisir. Si la personne est réveillée, si elle n'est pas réveillée, qu'elle voit, qu'elle trouve l'eau au réveil, qu'elle trouve le liquide au réveil. Deuxième point, le contact entre les deux organes, celui de l'homme et de la femme de base. Naam, quand on dit le contact, c'est-à-dire que le bout, naam, la verge entre dans les agents de la femme, même s'il ne finit pas le rapport et même s'il n'éjacule pas. Troisièmement, le mécréant qui embrasse l'islam. Et quatrièmement, ce qu'on vient de citer, la mort. Celui qui meurt parmi les musulmans, on a l'obligation de le laver. C'est fardun kifaya. Cinquièmement, qu'est-ce qui répond? C'est très facile. Naam, on commence à entendre les femmes, on ne devrait pas les entendre. Elle est menstruée. Donc lorsque la femme a ses menstrues, elle se lave. Ahsan. Donc lorsqu'elle finit, lorsque ses menstrues se terminent, la femme se lave. Lorsque ses menstrues se terminent, la femme se lave. Que ce soit le sang des menstrues ou un nifas. Idhan, al-mujib al-khamis, c'est pas wujud al-hayd wa al-nifas. C'est inqita' al-hayd wa al-nifas. D'accord? C'est la fin ou bien l'arrêt des menstrues ou des lochies. Et les savants accordent de l'importance aux termes utilisés par les fuqaha pour nous montrer l'intelligence. La science et la science subtile des savants dans l'islam, c'est qu'ils utilisent des termes bien précis. On pourrait penser que ceci a été mis de manière anodine, mais non. Les termes des ulama, très souvent, c'est fait de manière subtile avec science et sagesse. Donc l'arrêt de l'écoulement du sang des menstrues ou des lochies. Les menstrues, c'est connu, c'est les règles. Et les lochies, c'est quoi? Les lochies, c'est quoi? Taïb, qui n'est pas marié? Lève la main. Tout ça. A'anakumullah, qu'Allah vous aide. Taïb, Ant, c'est quoi les lochies? Là. C'est pour ça que j'ai demandé des gens pas mariés, pour qu'ils soient excusés. Le frère a dit des pertes blanches. Anta ba'id an as-sawab. La réponse est loin de la bonne réponse. Vous êtes trop loin pour que je vous questionne. Je ne vais pas endommager votre voix, na'am, ni être lourd sur vous. Donc pour vous alléger par miséricorde pour vous, je ne vous questionnerai pas. D'accord? Barakallahu fikoum. Naam, akhi. Les lochis, c'est donc derrière toi. Naam. C'est le sang qui coule après l'accouchement. Naam. C'est le sang qui vient après l'accouchement. Lorsque la femme accouche, il y a ensuite un sang qui sort. Naam. Il y a un écoulement de sang, c'est ce qu'on appelle les lochis. Et on a avec nous un frère biologiste, il nous rédigera quelque chose, Inch'Allah, sur Mada, sur Al-Hayd, pour qu'on s'instruise plus, et les lochis, Naam, et les différents liquides. Et il nous a déjà fait profiter de certaines de ses connaissances. Il y a une sœur aussi, Jazahallahu Khayran, qui m'avait fait parvenir un bahth sur Al-Hayd très profitable. Naam, qu'est-ce que c'est que les menstrues, et ainsi de suite, d'où ça vient, certaines sagesses, et ainsi de suite. Waffaqah Allah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa la taqrabuhunna hatta yathurna, fa idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah. Dans sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, si je ne me trompe pas, le verset 222, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et ne les approchez pas, c'est-à-dire vos épouses, ou bien les femmes qui vous sont licites, jusqu'à ce qu'elles se purifient. Jusqu'à ce qu'elles se purifient. De quoi? Des menstrues. Faïda tataharna, et lorsqu'elles se sont purifiées, na'am, et lavées, fa'touhunna, donc il y a une divergence sur ça, fa'touhunna min haythu amarakumullah. Alors commercez avec elle par où Allah vous a ordonné, c'est-à-dire permis. لأن القاعدة الأصولية تقول الأمر بعد الحظر يرجعه إلى ما كان قبل الحظر. Ici c'est un ordre. فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم. En gros, on dit aux hommes d'avoir des rapports avec les femmes qui leur sont licites. C'est un ordre ici, en lisant, on voit que c'est un ordre. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est un ordre qui est voulu ici? Al-usuliyun, on cite une règle religieuse qui est que lorsqu'on nous donne un ordre dans le dîn, après nous l'avoir interdit, lorsqu'on nous donne un ordre, après l'avoir interdit, quel sera le jugement? Ben, ça le fait revenir au jugement de base. On nous dit, ne faites pas cela. Puis on nous dit, faites cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jugement revient au jugement de base. Par exemple, la visite des tombes, la visite du cimetière, c'était une chose recommandée. On va dire, sallam a interdit dans un premier temps. Puis il a dit, كُنْتُ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْمَوْتِ. Je vous avais auparavant interdit la visite des cimetières et maintenant je vous l'ordonne. Visitez-les. Naam. Ou plutôt, je vous avais interdit auparavant la visite des cimetières. Visitez-les. Désormais, visitez-les. Car elles vous rappellent l'au-delà. Visitez-les, c'est un ordre. Et nous, on cite souvent. Naam, dans nos cours, quoi? Al-amru al-wujub. C'est un ordre, donc c'est une obligation. C'est un ordre, donc c'est une obligation. Donc quelqu'un pourrait dire, mais ici, alors, c'est un ordre, donc c'est une obligation. La réponse à ce ishkel, ce que vous voulez d'entendre. L'ordre, après l'interdit, redonne le jugement de base. Redonne le jugement de base. Ça peut être permis, ça peut être recommandé, par exemple. La deuxième preuve, an Aisha radiallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala li Fatimata bint Abi Hubaysh, إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي والأصل في الأمر الوجوب رواه البخاري ومسلم. Dans le hadith de Aïcha, elle nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à une femme qui se nomme Fatima bint Abi Hubaysh, lorsque tes menstrues viennent, délaisse la prière, et lorsqu'ils partent, c'est-à-dire se termine, lave-toi et accomplis la prière. Lave-toi et accomplis la prière. Apporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Ici, le prophète sallam a donné un ordre. Donc le jugement, c'est al-wujub. Donc le jugement, c'est al-wujub. Par moments aussi, on trouve dans les hadiths que c'est un ordre. Ouais. Comment est-ce que je t'appelle? Ryan. Comment? Ryan. D'accord. Je vais t'apprendre une chose avant que tu partes, Ryan. Tous les enfants qui viennent ici, ils doivent répondre à une question. Tu étais au courant? Non. Non? Maintenant, tu le sais. D'accord? Lorsqu'on donne quelque chose, on prend quelque chose. De quelle main est-ce qu'on le fait? La main droite. Montre-moi ta main droite. Et celle-ci, t'es sûr? Oui. T'es sûr, certain? Oui. Sûr. Oui. Et celle-ci, c'est laquelle? Là? Oui. La main gauche. La main gauche. Pourquoi? Tu as une troisième main? Non. Non? D'accord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque vous donnez quelque chose, faites-le de la main droite. Et lorsque vous prenez quelque chose, faites-le de la main droite. D'accord, Ryan? Ah, d'accord. Non. Tu peux partir, Ryan. Si tu veux, tu restes, si tu as la permission de départ. Wa ajma' al-ulama على وجوب الاغتسال من دم الحيض والنفاس. Il y a le consensus des savants sur l'obligation du grand lavage lorsque il y a l'arrêt des menstrues et des lochies. Vous êtes fatigué? On arrête ici? Vous voulez qu'on poursuive? Si on poursuit, c'est sifatul ras, ou bien l'irtisal. C'est comment faire le ghusl. Il y a deux manières. Al-ihsan, c'est la façon avec toutes les sunnans et le minimum qui valide ton action. Ma ra'yukum, qu'est-ce que vous en pensez? On repousse cela à mercredi? Ou bien on continue? On continue? Ton frère t'a regardé travers. Ou bien c'est parce qu'il est à ta droite seulement. En vrai, tu ne regardes pas à travers, mais comme il est à ta droite, il a fait comme ça. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, hein? De toute façon, vous n'allez pas oser dire on s'arrête, hein, ainsi de suite. Mais moi, je vais oser le dire car je pense que c'est plus sage. Non, je pense que c'est plus sage afin que la science soit bien comprise, notée, retenue et qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite son application. Wa sallallahumma barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Et il y a certaines personnes qui sont malades, comme l'épouse d'un de nos chers pères qui vient à la mosquée et qui est tous les jours, pratiquement toute l'année, pratiquement au saf al-awwal. Jazakallahu khayran, rajul al-abid. Sabu kadhalik, wallahu hasibu. Na'am, son épouse a subi une intervention aujourd'hui. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, arhamar rahimin, ayyamunna alayha bishifa. Donc on invoque Allah Azza wa Jal en sa faveur afin qu'il lui accorde la guérison, tout comme on invoque Allah Azza wa Jal qu'il accorde la guérison à l'ensemble des musulmans et qu'il dissipe les soucis des musulmans. Comment? Ahsan. Barakallahu fik. Donc, comme vous le voyez, ma mémoire est en, comment est-ce qu'on dit, en déficience ou à une défaillance? Tu dis oui en plus? Non, t'as raison. T'as raison. Maza, le frère Azallah Khairan, Allah lui a facilité à se rappeler ce que j'ai oublié. Donc, il y, les savants disent que les oncles du prophète Arsallam se divisent en trois. Quelle est cette division? Quelle est cette division? Abdullah, t'as beaucoup répondu et bien répondu. On va laisser un petit peu les autres. Souma, na'am. Premièrement, les oncles qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la religion. Le meilleur d'entre eux, c'est qui? Hein? Hamza. Radiallahu anhu, Hamza, Sayyidu Shuhada. Naam, Hamza le martyr de la bataille. Radiallahu anhu. Parmi ses oncles qui entrent dans cette catégorie, il y a également la cause de ma question. Al-Abbas. Naam, Al-Abbas. Taïb. La deuxième catégorie, maintenant qu'il vous a dit la première, la seconde sera plus simple. Ceux qui l'ont renié, c'est-à-dire qui ont renié son message. Man kafara bih, ceux qui ont mécru en lui. Wa adou, ceux qui ont mécru en lui et l'ont combattu. Comme qui? Hein? Abu Lahab. Abu Lahab. Pas toi que je questionnais, mais là, comme ça arrive souvent, je suppose que j'ai un problème aux yeux. Là, c'est vrai, j'ai une conjonctivite, mais en général. Maza, comme Abu Lahab. Et Abu Lahab, Allah Azza wa Jal l'a humilié dans le Coran, lorsqu'il a voulu humilier la mère des créatures d'Allah Azza wa Jal. Celui qui nuit à un wali d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa sanction. تبت يدا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب. نعم الله عز وجل غيبه في القرآن pour lui donner ce qu'il a mérité. نعم lui et son épouse, car son épouse l'a suivi dans le mal. عياذا بالله. La troisième catégorie est plus complexe peut-être à trouver. ceux qui ont mécru en son message, qui ne l'ont pas suivi, mais ils ne l'ont pas combattu. Ils l'ont soutenu, ils l'ont défendu. C'est une personne. Indaman. Abdullah. Abu Talib. Abu Talib. T'es trop loin. Je ne vais pas te gêner dans ta voix. Non. Abu Talib. Abu Talib, est-ce qu'il s'est converti à l'islam? Non. Est-ce qu'il a unifié Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il a fait shahada? Est-ce qu'il a suivi le prophète sallam dans son message, dans l'islam? Non. Pourtant, il savait. Il reconnaissait que c'était la vérité et que son neveu ne mentait pas. Il était véridique avant même la révélation. Mais l'orgueil et la honte d'être critiqué par son peuple et aussi en signe de vœux et de suivi des ancêtres, hein, il a refusé de sortir de la voie de ses ancêtres pour embrasser la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car pour eux, c'est un manque, grand manque de respect envers leurs parents et envers leurs ancêtres. Ça, c'est un sujet très important à suivre, à traiter. Donc, Abu Talib, qui nous répète les trois catégories donc, du prophète Arsalda. Qui a jamais parlé dans la cise? Levez la main. Taïm, ça va de balle. Répète-nous les trois catégories d'oncle du prophète Arsène. Ses oncles qui l'ont aidé, soutenu et ont cru en son message. Il y a par exemple Hamza. Deuxième catégorie, ceux qui ont mécru en lui et l'ont combattu. Il y a par exemple Abu Lahab. Et ceux qui, troisièmement, ceux qui ne l'ont pas suivi dans la religion, mais ne l'ont pas combattu, ils l'ont soutenu, ils l'ont défendu. Naam. Par exemple, ou bien c'est Abu Talib. Naam. Taïm. Le liquide de l'homme qui sort avant le sperme. C'est-à-dire le liquide séminal. Est-ce qu'il nécessite, est-ce qu'il rend obligatoire le fait de faire le rousl ou pas? La liste qui a été citée ici est une liste exhaustive. C'est-à-dire qu'il y a 5 cas et pas plus. Ainsi, vous pouvez savoir que lorsqu'il y aura tel liquide, est-ce qu'on est obligé de faire le rousl ou pas? La réponse est non. Donc le Mavi, le Mavi, c'est-à-dire le liquide séminal, celui qui sort avant le sperme lors de l'excitation, ne nécessite pas le rousl. Mais la personne doit se laver le sexe, mettre de l'eau sur l'endroit qui a été touché par ce liquide, donc son vêtement, et ensuite il refait le wudu. S'il veut ou lorsqu'il en aura besoin. Est-ce que c'est clair? Et il me semble qu'on avait cité cela en cours. Wallahu a'lam. Et c'est pareil pour la femme. C'est pareil pour la femme. Celle-là, le liquide avant, elle manie. C'est ainsi qu'elle devra procéder. J'ai rien oublié. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.